Économie, économie, tu crèveras dans ta connerie, saloperie. Un jar de crustacés, une arapette avec des pinces de crabe. Tu t'incrustes en vrai, pour ta gueule t'as juste assez. Dans tes délires t'es qu'un rat, un rat t'es un rat. Sous une raclure, un rat, pia. T'as tout dans les poches mais tu gratteras jusqu'à la fin de ta vie, espèce de sale rat. Crevard tu brasses, tu fric en masse mais tu traces quand il faut que tu casses. Si tu passes à l'œil t'as pas ton portefeuille pour tes portes. T'as des oursins dans les poches pour les chattes. Tu leur donnerais même ta rate. En plus tu te prends des râteaux. Casse-toi sale raclo. Racle tout ce qu'il y a raclé. Rate pas une occasion pour ne pas raquer. Pour gratter du râpé. Tu vas te prendre une raclée avec ta face de râpé. Amortir l'addition quand tu prends un café. Tu te demandes toujours qu'on te sert un verre d'eau. T'es la crevarde qui fait semblant de chercher dans son sac en attendant que ton mec paye. T'es souvent malade ou introuvable le jour de ta paye. Même pour des pièces jaunes tu t'accroches. Tu grattes des cigarettes alors que t'as un paquet de clopes dans ta poche. Tu fais un scandale pour ta coupe, tout ça pour pas payer le coiffeur. Tu fais des crédits même quand c'est pour offrir des fleurs. On peut te traiter de tout, tant qu'on te paye un pot y'a rien qui t'atteint. Mais pour éviter de payer les cadeaux, tu disputes toujours avec ta femme avant la Saint-Valentin. J'ai la crevarde qui danse avec le premier venu pour qu'il paye une conso. Même tous tes voyages, tu les as payés en ticket resto. Radé, crash, l'oseille, la crevarde. Mais t'es qu'un rat, un ratin qui gratte du soir au matin. Qui met jamais sa tournée. Tu te mets le compte, t'es bien bourré. Sur le compte, tes mains trouées. Tu te rends pas compte, on vient te la fouer. T'es qu'un gros ratin qui lâche rien, qui lâche rien. En plus tu me fais le para. T'es le seul à penser que t'es pas rat. Rapia, quand c'est gratuit tu fais la race. Tu téléphones ou pars aux toilettes à chaque fois que l'addition est sur la table. Pour te couper les ongles, tu récupères les lames de tes rasoirs jetables. Même les mouchoirs pour toi sont recyclables. Tu t'accroches au mur comme un acteur porno s'accroche à son câble. Tu te maries avec un homme friqué, divorce pour la pension alimentaire. T'évites d'abord tes copines les plus riches pour ton anniversaire. Tu viens en colocation pour payer ton loyer moins cher. Une genre de crevarde qui jusqu'à la fermeture de la boîte fait tirer son verre. Tu racles le fond de bois avec une cuillère. Sale raclon, ta vie n'a plus aucun sens. Tu roules au point mort pour éviter de gaspiller de l'essence. À chaque fois que tu sors, c'est la même, t'as oublié ton portefeuille. Ça sert à rien d'acheter le briquet, tu grattes quand même les feuilles. Radé, crash, l'oseille, la crevarde. Radé, crash, l'oseille, la crevarde. Radé, crash, l'oseille, la crevarde. Radé, crash, l'oseille, la crevarde. Radé, crash, l'oseille, la crevarde. Radé, crash, l'oseille, la crevarde. Radé, crash, l'oseille, la crevarde. Radé, crash, radé, crash. Eh ouais, crevarde. Tous les crochus, lâche l'oseille. De jour en jour, tu mets cœur. Tu plais aux as et tu vas gratter la bouffe au resto du cœur. Oh là là, crevard.